leur mamie, on monte ou on monte pas? Allez, en voiture, Simon! Je suis chauffeur de taxi du minus au maxi. Je trimballe la clientèle, je lui fais pousser des ailes. Dans ma bagnole, je suis fou, je taille la route et je m'en fous. Je conduis avec la rage, je te jure que ça déménage. Le pire, c'est les piétons, je les prends pour des pigeons. Je fonce à tout persingue, histoire que je les désingue. J'en ai jamais eu un, mais un de ces quatre matins. Je suis sûr que ça va valser et je vais pas m'arrêter, non. Je suis le roi, je suis le roi, je suis le roi, je suis le roi du macadam. Du macadam. Toujours j'attaque, moi c'est du tac au tac. Moi c'est du tac au tac. Attention cocu. J'suis pas tordu, j'aime pas qu'on me colle au cul. J'suis le roi du bitume, moi j'te vole dans les plumes. J'connais que la cinquième, pas de Beethoven, mais de BM. J'fonce sur les grands boulevards, j'ai la conduite anard. Chez moi, pas de clignotant, j'déboîte sans prendre de gants. Et tant pis pour les kidames qui turbinent dans mes flammes. Et pour la poésie, c'est du service compris. Je gueule comme un putois souvent, j'monte mon doigt, tiens. J'suis le roi, j'suis le roi, j'suis le roi, j'suis le roi du macadam. Toujours j'attaque, moi c'est du tac au tac. Allez, à toi Mickey. J'suis chauffeur de taxi, moi j'ai tout dans le zizi. J'suis un vrai malabar et j'emmerde les connards. Pour moi le client est roi, j'te dis pas le roi de quoi. Monte un peu, tu verras, monte à côté dans les bras. Viens, j'suis le roi, j'suis le roi, j'suis le roi, j'suis le roi du macadam. Du macadam. Toujours j'attaque, moi c'est du tac au tac. J'suis le roi, j'suis le roi, j'suis le roi, j'suis le roi du macadam. J'suis le roi du macadam. Toujours j'attaque, moi c'est du tac au tac. Je suis le roi du macadam. Toujours j'attaque, moi c'est du tac au tac. Je suis le roi du macadam. Ouais.